Comme ça. Bonsoir. On m'entend, on m'entend pas, on m'entend. Merci d'être là pour accueillir avec moi Jean-Yves Ruault. Donc vous avez vu cette belle affiche qui va nous parler du personnage donc d'Arsène Lupin. Juste avant de le présenter, je vais vous dire que les prochaines soirées littéraires, pour ceux qui sont habitués, ça se propage. On aura en octobre, je crois, octobre, oui. On aura une soirée. Attendez, je suis en train de mettre dans l'ordre. Une soirée sur Emily Brontë, présentée par Lydie Salver. Ensuite, on aura une soirée sur Julien Gracq, présentée par Arnaud Bertina. Un peu plus tard, on aura une soirée sur Jean Genet, présentée par Mathieu Riboulet. Voilà, puis les autres vont arriver. Je suis en pourparlers avec les écrivains. Voilà. Alors, Jean-Yves Ruault, qui est là devant vous. Bienvenue. Alors, pour la petite histoire, en fait, j'ai rencontré Jean-Yves Ruault ici à la médiathèque, puisque c'est un fervent usager, on va dire, comme on dit nous, de cette médiathèque. Il vient travailler ici très souvent. Et voilà, je ne sais plus à quelle occasion, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on se... Un siècle, à peu près. Voilà. qu'on se parle de temps en temps. Je savais qu'il était professeur de littérature policière en Bretagne. Il partage sa vie entre Issy-les-Moulineaux et la Bretagne. Il va vous dire tout ça, sûrement. Et puis, un jour, j'ai dit, mais pourquoi je ne vais jamais demander de faire quelque chose sur la littérature policière? Et voilà, on est là ce soir. Journaliste aussi. Ça arrive. Oui. Et puis, en fait, c'est un personnage un peu à l'Arsène Lupin, j'ai l'impression. Excusez-moi de dire ça. Mais quand j'entendais parler avec un collègue, parce qu'il faut savoir qu'il y a un truc un peu mystérieux autour d'Arsène Lupin. Hein, et j'ai appris qu'on disait les lupinistes. Voilà, je pense qu'on va apprendre énormément. Enfin, moi, en l'occurrence, je vais apprendre énormément de choses. Je ne suis pas très polar. Et je pense que ça va être quelque chose d'assez mystérieux, mais d'assez intéressant tout à la fois. Je vais accompagner Jean-Yves par la voix. Voilà, je vous laisse la parole. Peut-être. Bien, est-ce que vous m'entendez au fond ou, je sais pas, c'est le micro qui fait qu'on m'entend ou, oui. Oui. Ah, d'accord, ok. Bien, bonsoir. Donc ce soir, on va parler d'Arsène Lupin. Je dirais qu'à la limite, c'est ça un peu le paradoxe, c'est que l'on va parler... vous voulez que ce soit davantage devant moi ? Ah, pour m'enregistrer, je veux dire pour la postérité. On va parler d'Arsène Lupin, mais en fait, on ne va parler que relativement peu de polar, puisqu'on va parler davantage du personnage, on va parler davantage de la structure, et puis du sens, si vous voulez, du sens du personnage, du sens de l'œuvre. Ce qui fait qu'on ne va pas se noyer dans les crimes. Là, je vois de la jeune génération qui doit avoir autour de 7-8 ans, là, ou 10 ans peut-être, hein, 7, voilà. Et donc là, il n'y aura aucune incitation à la débauche au cours de cette soirée. Je peux rassurer le père, voilà. Donc, merci. Arsène, je vous en prie. Très bien. Donc, Arsène Lupin, fils de Monte Cristo et créature de Maurice Leblanc. Alors j'ai mis là, je dédie ça, cette conférence à Jacques Derouard, qui est éditeur et exégète de Maurice Leblanc. C'est avec Jacques Derouard, est un monsieur qui était prof de lettres en Normandie, qui est maintenant à la retraite, mais qui est vraiment, pour moi, l'autorité sur tout ce qui est, je ne vais pas dire, alors, lupiniste, lupinien, lupinophile. Jacques est plus, je dirais, sur un registre universitaire. Et il a édité, c'est lui qui a fait l'édition de la totalité de Lupin en omnibus, et c'est lui qui a fait aussi d'autres choses intéressantes, c'est qu'il a exhumé beaucoup de contes de Maurice Leblanc qui n'étaient parus que dans la presse. Parce que Maurice Leblanc, au début du XXe siècle, je veux dire qu'il n'y a pas qu'Arsène Lupin. Arsène Lupin, en termes de volume, c'est peut-être un tiers ou la moitié de son œuvre, pas plus. Et c'est un personnage qui, comme Sherlock Holmes, Leblanc est un peu prisonnier de Lupin. et cherche à s'évader, cherche à être reconnu pour d'autres choses. Et en fait, pour le reste de son œuvre, il est beaucoup plus à situer dans le sillage de Guy de Maupassant. Et il y a certaines nouvelles de Leblanc dont on croirait qu'elles sont des pastiches, en fait, de Maupassant. Donc voilà. Donc ça, c'est la maison où a vécu Leblanc à Rouen. Et vous voyez ici la farce que lui ont fait les amis d'Arsène Lupin. C'est de « Ici vivait Maurice Leblanc, historiographe d'Arsène Lupin ». Pas dit auteur, historiographe. C'est-à-dire que des personnages comme Monte-Cristo, comme Sherlock Holmes ou Arsène Lupin survivent très largement à leurs auteurs, à tel point que d'autres gens en cours de route s'en emparent et leur donnent une vie posthume assez considérable. Donc voici Leblanc avec son chapeau et sa moustache, sans chapeau mais toujours avec la moustache. Donc Arsène Lupin, fils de Monte-Cristo, créature de Leblanc et d'Étretat, parce qu'en même temps, on n'oubliera pas que Leblanc a possédé longtemps une maison qui s'appelle aujourd'hui le Clos Lupin, qui était un endroit où il écrivait, et qui aujourd'hui a été réaménagée depuis une vingtaine d'années en parcours, en maison Arsène Lupin. Et c'est là où on a, c'est un petit peu le, comment on peut dire, c'est le temple des lupinistes, lupinophiles et lupiniens, parce que chaque année, nous avons nos assises là. Voilà. Donc, truc, astuce, arnaque et escamotage dramaturgique, vous voyez, même le peintre, justement, a disparu. Ça, c'est encore un coup d'Arsène Lupin. Alors, fils de Monte-Cristo et de Leblanc, c'est une filiation avec des facettes, sachant que ce à quoi nous allons nous intéresser, c'est le personnage, c'est la construction narrative, ce sont les rebondissements. Et c'est en même temps la créature de Maurice Leblanc au sens de porteur d'une morale immanente, qui est un petit peu l'articulation de l'œuvre de Leblanc. Alors là, elle fera philo, mais dans 10 ans. Morale immanente. C'est une morale qui est sans transcendance. C'est une morale qui ne va pas chercher ses réponses au ciel. C'est, et on différenciera tout à l'heure, morale et légal. Moralité et légalité, ce qui sont deux concepts bien différents qui sont venus à partir du 26 janvier à l'instigation du Canard enchaîné dans un certain débat présent. Moralité, légalité, ce sont deux choses bien différentes. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi il y a des trucs bizarres qui apparaissent. Ça ne peut plus avancer. Aïe. Aïe, oui, comme vous dites. Si, ça y est. Donc, première partie, il y a des choses dont j'ai l'impression qu'elles disparaissent. Oui, c'est ça, ça disparaît. La première partie, il y aura d'abord une première sous-partie sur Dumas, l'initiateur. Hein? Parce que Dumas, si vous voulez, alors, pourquoi en venir à Dumas, pourquoi en venir à Monte-Cristo? C'est simplement parce que il y a une filiation qui n'est pas seulement une filiation de spéculation de gens de littérature, c'est une filiation avérée, revendiquée, comme on le verra par les citations, c'est revendiquée par Maurice Leblanc. En même temps, cette filiation, elle est double, parce que c'est celle du personnage, le côté des disparitions et tout sur lesquels je vais venir, et puis aussi des questions des structures narratives rebondissantes en permanence. Et la dramaturgie se base sur cette chose qui est ce qu'on appelle un déséquilibre productif, c'est-à-dire que ça, alors je ne ferai pas de théorie de la littérature avec vous, j'en ai théorie de la littérature, théorie de la narration, c'est ce que je produis à la fac, mais juste pour dire que le roi est mort, il n'y a pas d'histoire, le roi est mort mais on l'a assassiné, ah bon, qui l'a assassiné, pourquoi, quand, et là on a une histoire. Le héros est assis à sa table et est en train de souper, il n'y a pas d'histoire. Quelqu'un lui pique son écuelle ou l'empoisonne, là il y a une histoire. Et là on est dans le déséquilibre productif qui fait qu'une histoire démarre. Et là on est vraiment, c'est pour moi le, comment dire, autant l'Iliade et l'Odyssée, c'est vraiment l'archétype du récit, y compris du récit filmique occidental, et là on est sur l'archétype de ce qu'il y a de plus romanesque comme roman, peut-être même chez Dumas et ailleurs, puisque dès le départ, on est là avec des scènes qui sont en simultanéité, mais qui vont mener à des conflits en rafale. Le père Dantès a remboursé sa dette à Cadrousse, oui, mais pourquoi Cadrousse lui en veut? Fernand fait la cour à Mercedes, pourtant, on sait que Mercedes, elle est promise à Edmond Dantès, qui sera Monte-Cristo. Dantès doit aller à Paris. Mais est-ce que Danglars, qu'il connaît, va réussir? Danglars, c'est le comptable du bateau, là, le pharaon. Est-ce qu'il va réussir à l'empêcher? Danglars et Cadrousse qui complotent, est-ce qu'ils vont réussir à faire embastiller Dantès? Dantès est arrêté lors de ses fiançailles. Et pourquoi est-il arrêté? Sinon, est-ce que Villefort, qu'est-ce que craint Villefort? Et Villefort, dont le père, justement, était bonapartiste, alors que là, on arrive déjà sous le règne de, je ne sais plus si c'est Charles X ou Louis-Philippe. Donc, au lieu d'avoir une clôture de l'histoire, il est embastillé, point, ou il meurt, il meurt là-dedans, eh ben non. C'est le début de toute chose. Et on a une série, on va avoir ce qu'on appelle un adjuvant, c'est un mec qui va lui, c'est un peu un porteur d'eau au Tour de France. C'est le gars qui va permettre au champion d'être le champion, parce que là, il va déchiffrer pour lui les événements antérieurs, lui montrer de quelle conspiration, de quelle conjuration il est victime, et en même temps, il va, j'irais, lui donner des raisons d'espérer, des moyens de sortir de la prison, y compris d'ailleurs ce moyen magnifique, qui est de s'évader dans le sac justement par lequel on envoyait les défunts captifs à la mer. Voilà. C'est Dumas comme Leblanc, c'est le set and pay. Ça, c'est un terme de scénariste américain. C'est je sème et plus tard je récolte. Je vais semer quelque chose au départ et ensuite ça va me donner une série de péripéties, puisque la machination de Danglars, de Cadrousse et de Fernand, eh bien, c'est ce qui va faire à la fois le mauvais sort de Dantès au départ, mais nous donner 20 et quelques années d'aventure et 2000 pages. Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône et de la religion que le nommé Edmond Dantès, second du navire le Pharaon, arrivé ce matin de Smyrne, après avoir touché à Naples et à Porto Ferrajo, a été chargé par Murat d'une lettre pour l'usurpateur et par l'usurpateur d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de son crime en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre ou sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine à bord du Pharaon. Donc voyez, Dumas n'a pas conçu un suspense qui s'épuise en voûte en un seul paroxysme, mais qui va être en fait une chaîne de pétards qui vont éclater les uns à la suite des autres. C'est-à-dire que, par exemple, Monte-Cristo va sauver Morcerf à Rome, mais c'est le fils de son ennemi, mais il le sauve des bandits dans les mains desquels il l'avait obligeamment remis lui-même, mais c'est ce qui va ensuite, par reconnaissance, lui permettre de s'introduire dans la haute société parisienne, et notamment auprès du père du fameux Morcerf. Et il va dénoncer Fernand par la voix d'un journal de ses actions à l'encontre d'Aïdé et du Pacha de Janina, et ce qui va encore déclencher d'autres choses. Il obtient un crédit illimité de la part de Danglars, qui était le comptable du bateau, mais qui est devenu banquier, et ensuite, ça va lui permettre de rendre Danglars, le ruiner, le rendre fou, avec l'utilisation du télégraphe, qui est une invention toute récente en 1844, et sur laquelle je vais revenir après. Mais voyez donc, ce sont des bombes à retardement dramaturgiques, hein, qui, en Italie, comme ensuite, il va amener Aïdé, la fille du Pacha de Janina, à témoigner devant l'Assemblée, et c'est ce qui va couler Morcerf, puisqu'on n'avait pas le canard enchaîné à l'époque. Et en même temps, on a aussi tout un aspect assez grandiose, voire grandiloquent ou important du personnage, puisque on retrouvera ça aussi chez Lupin, c'est que ces gens-là, ces héros-là, sont des héros un petit peu globaux qui jouent aussi dans la géopolitique. C'est-à-dire que Lupin, comme Holmes, comme Monte-Cristo, sont des gens qui accomplissent aussi, et voilà la belle idée, qui accomplissent aussi un certain nombre de missions et qui vont avoir une incidence sur le cours de la vie parlementaire ou de la vie de leur État. Donc, on a un climax qui était donc une apogée qui était avec un certain nombre de bombes à retardement, et on a un dénouement qui est finalement sur la dérision, sur la vanité de la vengeance que Monte-Cristo, dans laquelle il s'était lancé, et qui en même temps va quand même permettre à d'autres de vivre. Mais on a une fin qui est douce amère, et c'est aussi des fins douce amère qu'on va souvent trouver chez Lupin, notamment avec l'aiguille creuse, notamment avec le bouchon de cristal, où l'on a finalement ce qu'on va retrouver comme chez Monte Cristo, c'est une certaine solitude du héros. Alors, les astuces, je parlais en démarrant d'astuces dramaturgiques, les astuces dramaturgiques servent énormément chez Lupin, ce qu'on a trouvé chez Monte Cristo, disparition, réapparition, on se maquille, on change, et puis on usurpe toute une série d'identités. Alors là, on en a une bonne demi-douzaine ou à peu près chez Monte Cristo, et on a, vous voyez, là, c'était le, là c'est l'abbé Busoni, l'abbé Busoni qui est un ultime avatar de, comment dire, de Monte Cristo, et on va avoir aussi des énigmes, comme dans Monte Cristo, des cryptogrammes, hein, c'est les secrets de l'aiguille creuse, secrets du trésor des abbayes normandes, la fortune des rois de France, etc. On a tout un tas de choses qui sont issues de cet univers du roman populaire romanesque, et on va voir évidemment les identités multiples d'Arsène Lupin, qui va s'appeler Raoul d'Andrézy, qui va s'appeler Serge Rénine, Paul Cernine, Don Luis Perena. Alors Don Luis Perena, qui est à la fois légionnaire de la Légion étrangère, qui est grand d'Espagne, enfin comme on veut, et tout ça, et qui, c'est lui qui en particulier fera de la géopolitique. Et au total, on a même un Lupin qui est flic sous l'identité de Monsieur le Normand, sous l'identité de Victor de la Brigade Mondaine, détective privé sous l'identité de Jim Barnett, et au total 29 identités. Hein ? Voilà, là c'est... Donc, disparition, réincarnation, épiphanie, eh bien, Lupin peut se fondre dans l'anonymat de la Légion étrangère, on le croit mort, comme on croira Sherlock Holmes mort, mais voici donc Luis Perena, et Maurice Leblanc est donc lui aussi un maître amusé de la manipulation et de l'auto-parodie. Donc, ce qui fait que Lupin, lui, est un, je dirais, est un brillant disciple et qui supporte tout l'héritage de Monte Cristo et que lui colle comme une sorte de dot Maurice Leblanc. Le héros, celui dont nous disions qu'il était brave comme D'Artagnan, fort comme Porthos et mystérieux comme Monte Cristo, dit en riant le préfet de police. Tout cela se trouve en effet dans le rapport que j'ai reçu du 4e régiment de la Légion étrangère, rapport inutile à lire en son entier, mais où je constate ce fait inouï que le légionnaire Perena, en l'espace de 2 ans, fut décoré de la médaille militaire, décoré de la Légion d'honneur pour service exceptionnel et cité 7 fois à l'ordre du jour. Monsieur le préfet, je vous en supplie, ce sont là des choses banales. Donc on a en somme dans la bouche de Perena une sorte de... C'est-à-dire que c'est Leblanc qui raconte, mais en même temps, Leblanc, on voit bien qu'il se marre comme un bossu, parce qu'il y a un côté d'auto-parodie là-dedans, hein, et il y a une espèce de mise en abîme de son propre récit. Don Luis. Don Luis sourit sans répondre. Monte Cristo, cette fois, dit Monsieur Desmalions, le mystérieux Monte Cristo. Monte Cristo, si vous voulez, Monsieur le préfet. Le mystère de ma captivité, de mon évasion, bref, de toute ma vie pendant la guerre, est en effet assez étrange. Peut-être un jour sera-t-il intéressant de l'éclaircir. Je demande un peu de crédit. Voilà. Donc, vous voyez, encore dans un autre roman, qui est La femme aux deux sourires, on va retrouver les paris ostentatoires qui sont ceux de Monte Cristo. C'est-à-dire que Monte Cristo dit « Je reviendrai ici dans un an à midi et demi ». Jour pour jour. Même chose chez Lupin. As-tu lu Monte Cristo ? Et te rappelles-tu la façon dont il est présenté dans le roman ? Quelques personnes qui l'ont connu aux quatre coins du monde l'attendent pour déjeuner. Plusieurs mois auparavant, il a promis qu'il serait là à midi et l'amphitryon affirme que, malgré les incertitudes du voyage, il arrivera à l'heure exacte. Midi sonne. Au dernier coup, le maître d'hôtel annonce « Monsieur le comte de Monte Cristo ». Nous attendons avec la même foi et la même anxiété. Le timbre retentit sous la voûte. La gardienne descendit les marches du perron. « Serait-ce le comte de Monte Cristo ? » dit Jean d'Erlemont. « Il serait en avance, ce qui n'est pas plus élégant que d'être en retard. » Donc on a en somme des aveux amusés de Maurice Leblanc sur le sujet. Et on a même une pièce qui s'appelle « Le retour d'Arsène Lupin » qui est une pièce qui est carrément... inspiré de l'épisode que je citais tout à l'heure, qui était le fait que Monte-Cristo sauve la vie de Morcerf après l'avoir fait basculer. On trouve ça en politique aujourd'hui, hein, mais après l'avoir fait basculer dans les pattes des bandits pour pouvoir utiliser ensuite ce sauvetage afin de gagner les bonnes grâces de son père. Là, dans le retour d'Arsène Lupin, il ne s'agit pas d'aller se venger, mais il s'agit en revanche de s'approprier quelques éléments. Voilà. Vous voyez, donc, Leblanc met Monte-Cristo et lui-même en abîme, il s'auto-pastiche, mais la grosse différence, c'est que Lupin n'est pas un vengeur. Et puis quoi ? C'est un être qui m'impressionne parce que je le sens supérieur, oui, supérieur par les ressources dont il dispose, par les secrets dont il vous domine. Et malgré tout cela, un être dont je subis le charme autoritaire, un être de séduction, oui, tu disais le mot brisaille, Monte-Cristo, Monte-Cristo devait produire cet effet à Albert de Morcerf. Fichtre, à ta place, je ne serais pas plus tranquille que ça. Voilà, et Georges, comme Morcerf, va être le dindon de la farce que Lupin est manipulé par Leblanc à tramer. Eh bien moi, messieurs, j'ai un tout autre avis. J'admets Lupin, mais je ne vais pas jusqu'à croire en Monte-Cristo. Avoue que tu as eu là une réminiscence, mon cher Georges. Tu n'as pas lu Monte-Cristo ces jours-ci ? Tu plaisantes, pourquoi ? Parce que la situation est la même. Tu n'as pas Monte-Cristo ici ? Voyez donc, il s'agit d'un héritage qui est complètement, comment on peut dire, assumé. Et Leblanc dit « J'adore Dumas ». J'adore Dumas. Eh bien, attends, mon vieux, tout en cherchant le livre. Tome 3, Albert de Morcerf, fait prisonnier à Rome par des bandits italiens et mystérieusement sauvé par Monte-Cristo, comme toi par d'Andrézy, comme toi aussi, Morcerf donne rendez-vous à Monte-Cristo chez lui pour déjeuner à 10h30, un peu tôt. Comme Morcerf, tu convies à ce déjeuner un dandy, quelques... Ah. Ça, c'est votre engin, hein. On renouvelait le parc, là. Et cela fait le bonheur des Apaches. Quand Lupin paraît, les surins dansent. Alors, ça, c'est assez marrant. C'est quand Lupin paraît, les surins dansent. Vous voyez, on a le détournement de formule. Ou encore, donnez-nous aujourd'hui notre Lupin quotidien. Alors, il faut dire que point commun entre Leblanc et Lupin, c'est un certain agnosticisme, hein. C'est, ils ne sont pas très portés sur la calotte. Hein. Ça, c'est... voilà. Donc, maintenant, les fins de la première partie, parce que la deuxième partie après la première, n'est-ce pas ? Les héritiers et le faiseur de miracles. C'est-à-dire que la réflexion... Alors, moi, j'avais déjà travaillé dans ce domaine-là sur Sherlock Holmes. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment des personnages, finalement, vont en somme phagocyter... Des personnages vont phagocyter leur auteur au point que dans le fond, on ne sait plus, on se préoccupe d'ailleurs plus tellement de l'auteur lui-même, puisque le personnage vit sa propre vie. Et donc là, un petit mot de quelques réincarnations fictionnelles ou autres. Souvent d'ailleurs, dans la presse, quand on a un bandit un petit peu comme ceux qui avaient pris les quelques petits bijoux là, de Madame Kardashian, on parle de nouveaux Arsène Lupin ou d'Arsène Lupin du 17e arrondissement. Et simplement... Simplement, si vous voulez, c'est que pourquoi ces héros supplantent-ils parce que leur auteur, qu'on pourrait dire biographe d'une certaine façon, ou historiographe, a une vie qui est limitée, qui est emprisonnée dans des dates, tandis qu'eux, en fait, sont des machines génériques à produire de nouvelles situations, à produire de nouvelles aventures, à produire de nouveaux romans. Et en somme, à tenir jusqu'à la fin le théâtre rempli, à garder le lecteur, et je dirais aussi, non pas le spectateur, mais le spectateur. Parce que comme dit Umberto Eco, rien n'existe dans des productions sans la collaboration et du lecteur et du spectateur. C'est, on fait la moitié du chemin. Hein. Donc voilà, puisque ce mystère nous échappe, feignons d'en être l'organisateur. Donc... Vous voyez, on trouve encore des dantesques jusqu'à la prison de Saint-Malo qui font des trous dans les murs pour sortir de leurs cellules. Malheureusement, ils n'ont pas d'abbé Faria. Et on en trouve d'extraordinaires. L'un est encore vivant et l'autre plus. Mais si vous voulez, quand on prend des personnages comme Vergès, Jacques Vergès, ou comme Dumas, qui a un nom magnifique et qui est assez bien porté finalement, il y a chez eux du culot, de l'ironie, il y a un goût de l'arnaque intellectuelle. et des biographies à trous temporels, en particulier Vergès. Il y a des périodes, des années entières où on ne savait pas où il était. Hein, et c'est des gens qui ont le goût des apparitions et des disparitions. Mais je dirais que Lupin ne perdure pas seulement dans le réel, mais perdure aussi vraiment au niveau d'un mythe. Puisque comme Sherlock Holmes, il n'appartient plus aux mains de son historiographe, et je dirais que le temps, avec des visages d'emprunt qui se succèdent, n'a point de prise sur eux, et puisque les histoires, elles, peuvent continuer. Ce qui fait, par exemple, ici, La Poudrière, alors, je ne sais pas si on l'a à la bibliothèque, si, sans doute, dans les volumes omnibus, il y a un volume entier qui est consacré à ces Lupins qui n'ont pas, Leblanc pour auteur. Ça, par exemple, c'est Boileau et Narcejac, Secret de Nerville aussi. Boileau et Narcejac ont écrit 6 romans, plus un certain nombre de nouvelles, qui mettent Lupin, et maintenant, on en est au manga. On a changé l'époque, on en est au manga. Hein ? Mais si vous voulez, Lupin perdure aussi parce qu'il y a une sorte de principe, je dirais, fondateur qui est transgressif, comme l'éternité de la comtesse de Cagliostro. Fille de Cagliostro, je vous connais. Bas les masques, Napoléon Ier vous tutoyait. Vous avez trahi Napoléon III, servi Bismarck et suicidé le brave général Boulanger. Vous prenez des bains dans la fontaine de Jouvence, vous avez 100 ans et je vous aime. Et Arsène Lupin, à ce moment-là, est un gamin de 20 ans. Hein. C'est une des toutes premières aventures. Mais vous voyez, donc, les mythes, que soit Monte-Cristo ou Lupin, se détachent de leurs auteurs. Et là, je dirais qu'on retombe un petit peu sur ce que dit. Alors, c'est une lecture à laquelle je vous incite, mais avec un peu plus de temps, parce que c'est un peu gros. C'est Mythe et épopée de Georges Dumézil, qui dit que... Alors, lui, qui connaissait 15 ou 20 langues anciennes et modernes, qui avait lu à peu près toutes les histoires et tous les mythes, pas seulement indo-européens, mais aussi même d'Asie centrale, Dumézil, qui disait « Une histoire, si c'est une bonne histoire, eh bien, elle continue, elle persiste à travers des auteurs, à travers des écritures différentes. » Et je dirais que si vous mettez, par exemple, si vous mettez en parallèle l'histoire, l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie, et que vous mettez l'histoire du déluge, hein, de Noé et le déluge, eh bien vous arrivez à un recoupement qui est assez extraordinaire. On a des histoires qui sont extrêmement proches l'une de l'autre. Alors, j'en arrive au dernier avatar actuel, qui est un personnage fort intéressant dont il y aura un certain nombre de bouquins ici, Adrien Götz, qui est à la fois un professeur d'histoire de l'art de la Sorbonne et en même temps qui ose plus loin, qui va plus loin que Doyle, qui envoyait quand même Sherlock Holmes voir le Dalai Lama. Lui, il a carrément inventé une nouvelle vie à Arsène Lupin. C'est le Arsène Lupin, comment on peut dire, 2. Oui, c'est ça, c'est un Arsène Lupin cybernétique, et auquel il donne une vie en somme supplémentaire. C'est qu'il... Là, du coup, moi qui préfère en rester au domaine de la morale immanente, avec Götz, on peut presque avoir une théologie de Lupin. Entre parenthèses, je signale un autre bouquin de Götz qui est tout à fait délicieux. Il y a 2 bouquins au moins délicieux. Il y a Le coiffeur de Monsieur de Chateaubriand, avec lequel il y a eu un paquet de prix, et qui lui avait été inspiré par un tableau en mèche de cheveux de Chateaubriand, qui est conservé au musée de Saint-Malo. Et un autre bouquin du même Götz qui est Intrigue à l'anglaise, sur une énigme absolument extraordinaire. Vous savez que la tapisserie de Bayeux faisait 72 mètres à l'origine, il manque 3 mètres. Et tout le roman tourne autour de où sont passés les 3 mètres manquants. Ça, c'est tout un grand sujet. Voilà. Alors, deuxième partie de l'immanence lupinienne, question d'identité, question de mots et de mots. Hein, quel archipel de sentiments Lupin éprouve-t-il ? Les intrigues vénéneuses, où l'on reparle d'Angélique, d'Arsène, de Joséphine, de Clarisse et quelques autres. Et enfin, Lupin, garant sans garde-fou de la morale universelle. Là, si vous voulez, première partie, je suis allé sur la structure du personnage, son héritage, pas dire son hérédité, mais son héritage par rapport à Monte-Cristo. Et là, je vais davantage commencer par regarder qui il n'est pas en termes de ce qu'il fait, de la manière dont il agit. Prenons un exemple. Vous savez, les Tintins, qu'on met justement dans les mains de jeunes filles comme celle-ci. Hein ? Mais Tintin, c'est profondément immoral. Prenez Tintin au Congo. Tintin au Congo. Zigouille des gazelles. tue un gorille pour se coller dans la peau du gorille pour aller retrouver Milou. Fait exploser un rhinocéros au moment où il veut en faire une photo pour le fixer. Oui, il le fixe très très bien. Etc. Mais c'est épouvantable, Tintin, c'est profondément. Tandis que Arsène Lupin, justement, il est illégal, profondément illégal, mais totalement moral. Voilà. C'est ça, c'est là-dessus. Et on va comparer et on va voir justement en quoi il est et comment ça se passe. Donc, question d'identité et de masque multiple, Lupin, moraliste en portrait chinois, qui il est, qui il n'est pas. Et d'emblée, ce qu'on peut déjà dire, c'est que Lupin, c'est le blanc, mais en plus pudique que le blanc. Assez curieux. Il y a des tas de contes coquins de Leblanc. On va voir un extrait tout de suite. Où Leblanc, si vous voulez, c'est Lupin en plus coquin. Et donc là, un extrait d'un des contes de Maurice Leblanc qui s'appelle Une visite. Une jalousie atroce lui tordait le cœur. Cette peau, les lèvres de sa femme s'y collaient éperdument. Pas une place qu'elle n'eût marquée d'un baiser. C'était comme un tissu de caresses qui s'appliquait aux formes mêmes. Cette bouche connaissait la bouche de Suzanne et son haleine d'enfant. Ses mains, la chair de Suzanne, les avaient imprégnées de son parfum tiède, le gonflement de ses jeunes seins les avait arrondis, ses pieds s'y étaient réchauffés. La veille peut-être, ce corps frissonnait sous de petits baisers menus, à peine appuyés des baisers de sa femme. Peut-être aussi se crispait-il, mordu par des dents rageuses, les dents de sa femme, dont il s'imaginait distinguer les traces encore fraîches. Des visions plus nettes l'assiégèrent. Il les aperçut réellement nus tous deux. Les hideuses évocations que subissent les époux trompés. La présence de l'amant les lui infligea avec une intensité d'autant plus effroyable. À voir ses bras, il devinait leur enlacement impérieux et doux. Autour de ce cou, Suzanne se suspendait. Ses jambes se mêlaient aux siennes. Cette peau touchait sa peau d'un contact absolu. Alors, dans le fait que Leblanc soit beaucoup plus retenu, dans Arsène Lupin, ça a un nom, c'est Laffitte, qui était son éditeur. C'était, si vous voulez, comme, Pierre Freinet et son épouse qui était Yvonne Printemps, c'est par contrat qu'il n'y avait pas de baiser. C'était par contrat, c'était une exigence d'Yvonne Printemps. De la même manière que par exigence, Buster Keaton ne riait jamais. Et là, c'est Laffitte qui a fait faire un peu d'eau de rose, si on peut dire, à Maurice Leblanc, qui lui était beaucoup plus, grillard, coquin, oui. Donc, Lupin est un moraliste, et maintenant un mot de Lupin un peu portrait chinois. C'est qu'on va l'attraper, par ce qu'il n'est pas, on va l'attraper par l'extérieur. C'est un redresseur de tort, mais à la différence de Monte Cristo, c'est pas un vengeur. C'est un manipulateur, c'est un séducteur, c'est un voyou stylé, c'est éventuellement un libertin, mais pas tant que ça. Et on va voir à qui il ressemble à travers un peu un archétype, un archipel d'archétypes de personnages. On va le confronter à la marquise de Merteuil, on va le confronter à Valmont. Voilà. Alors, quelle identité, est-ce qu'il est séducteur, est-ce qu'il est pervers, est-ce qu'il n'est pas? Finalement, on a de Lupin, je dirais, des identités qui varient avec le regard que l'on porte sur lui. C'est-à-dire que dans le dernier bouquin, je crois que c'est un peu son dictionnaire des idées de Denis Tillinac. Pour Denis Tillinac, alors qui est plutôt, on va dire, un souverainiste, quelqu'un qui est... Il n'est pas extrême-gauche, hein, Tillinac. Voilà, un homme de territoire. Et il traite Lupin de héros réactionnaire de nostalgie et de la nostalgie aristocratique. Pour François Georges, qui est un philosophe, c'est le secours et le recours névrosé de la femme. Et pour Umberto Eco, Lupin est un surhomme nietzschéen, ce qui n'est pas exact non plus, mais c'est à chaque fois une espèce de projection qui est faite. Et si vous prenez Boris Akounine, qui est un auteur russe de polar dont certains se déroulent en France, et qui a longtemps vécu d'ailleurs en France, pour lui, Lupin, c'est juste une sorte de comparse dont on a besoin pour installer des aventures de Sherlock Holmes à Saint-Malo. La prisonnière de la tour, ça se déroule exactement au château du Vaugarny de Saint-Malo, dont Akounine a été le propriétaire pendant 7-8 ans. Voilà. Hein. Donc, est-ce que c'est juste un élégant héros en noir et blanc, hein, feu ce grand comédien qui a prêté... Alors, est-ce que c'est un spadassin, un escamoteur, un séducteur interlope et vénéneux? C'est ce qu'on croirait avoir l'affiche. Et ici, qui est l'affiche d'un musical autour d'Arsène Lupin qui était donné dans un énorme music hall à Itaewon, à Séoul. Et là, on a, donc là, il n'est pas question de Lupin, mais les deux dernières syllabes sur l'affiche, on dit en coréen, on dit pas Lupin, on dit Lupang. Lupang. Arsène Lupang. Voilà. Ça, je pourrais vous traduire ou déchiffrer après. Alors, est-ce que c'est un cambrioleur des cœurs? Est-ce que c'est un Casanova? Un amoureux éperdu? Un adolescent envoûté? Eh bien, c'est un adolescent envoûté par rapport à la comtesse de Cagliostro, qui, elle, est extrêmement vénéneuse. Et je dirais, d'avoir recruté Christine Scott Thomas est la seule bonne idée de ce film de Jean-Paul Salomé, qui n'est pas bon du tout, quoi. Voilà. Un amant languissant? Amour, cynisme, élégance et perversité, voilà question de mots et de mots. Et alors là, j'en viens à quelqu'un qui a un lien très fort avec Lupin, c'est André Comte-Sponville, qui est peut-être un peu moins à la mode que Onfray aujourd'hui, mais qui est un petit peu plus précis dans ses approches philosophiques. Par quoi l'amour nous voue à la morale et en libère? Par quoi la morale nous voue à l'amour, fut-il absent et s'y soumet? C'est-à-dire que là, on est bien dans l'immanence, on ne va pas chercher ailleurs que dans le principe de ce que l'on vit. Amoureux? Regarde-la, quand elle marche, sa taille a un petit balancement que je ne puis voir sans trembler. Mais tout en elle me donne ce tremblement de l'émotion et de l'amour, ses gestes aussi bien que son immobilité, son silence comme le son de sa voix. Tiens, le seul fait de marcher sur la trace de ses pas me cause un véritable bien-être. Ah, Beautrelet, oublierait-elle jamais que je fus Lupin? Est-il un Casanova? Alors Casanova, attention, faites bien la différence entre Don Juan et Casanova, parce qu'autant Don Juan est un prédateur et un manipulateur, Casanova aime les femmes et est aimé des femmes. S'il a profité quelquefois de sa supériorité sur quelques bêtes, hommes et femmes, pour faire fortune, c'était pour rendre heureux ceux qui l'entouraient. Au milieu des plus grands désordres de la jeunesse la plus orageuse et de la carrière la plus aventureuse et quelquefois un peu équivoque, il a montré de la délicatesse, de l'honneur et du courage. L'homme ne peut jouir de ce qu'il sait qu'autant qu'il peut le communiquer à quelqu'un. Oui, ça, c'est du Comte Sponville. Donc, Casanova est un doux hédoniste partageur. C'est là-dessus qu'on pourrait presque trouver une définition de Lupin lui-même. Alors, Lupin héritier de Casanova? Ah, vois-tu, Beautrelet, de toutes les joies effrénées que j'ai goûtées dans ma vie d'aventure, il n'y en a pas une qui vaille la joie que me donne son regard quand elle est contente de moi. Je me sens tout faible alors et j'ai envie de pleurer. Alors, est-il un cynique, sachant que le cynisme, c'est la transgression satisfaite d'elle-même des règles du droit et de la morale? Je connais votre zèle, votre ardente ferveur. Que me proposez-vous? De séduire une jeune fille qui n'a rien vu, ne connaît rien, qui, pour ainsi dire, me serait livrée sans défense, qu'un premier hommage ne manquera pas d'enivrer et que la curiosité mènera peut-être plus vite que l'amour? Son succès m'assure autant de gloire que de plaisir. L'amour qui prépare ma couronne hésite lui-même entre le myrte et le laurier. Vous connaissez la présidente de Tourvel, sa dévotion, son amour conjugal, ses principes austères. Voilà ce que j'attaque. Voilà l'ennemi digne de moi. Voilà le but où je prétends atteindre. J'ai bien besoin d'avoir cette femme pour me sauver du ridicule d'en être amoureux. Alors, c'est là où on commence à voir la différence qu'il y a entre Lupin et, comment dire, Valmont et Merteuil. C'est que Lupin, même si Lupin est dans la manipulation, cette manipulation n'a pas pour objectif de détruire les gens qu'il a en face de lui, puisque là, on a quelque chose d'extrêmement vengeur. Hein. Séducteur sans scrupule, un Don Juan, ce qui est le cas de Valmont, ce qui est le cas aussi de Merteuil, séducteur sans scrupule qui fait un jeu de conquérir les femmes qu'il approche. Donc, sous le masque, on a une duperie enjôleuse, alors que Lupin, on va davantage le trouver du côté de cette élégance que l'on accorde aux formules de mathématiques, c'est-à-dire qualité d'une démonstration à la fois simple, claire et ingénieuse. Lupin est un gentleman. Un gentleman, homme de parfaite éducation qui fait preuve de réserve et de distinction dans ses manières. Mépriser le danger, tenir sous le feu, ce n'est même pas à leurs yeux un acte de courage. Cela fait simplement partie de la bonne éducation. D'un petit bulldog qui tient la tête à un gros chien, ils disent gravement « c'est un gentleman ». Désintéressé des choses de ce monde, il va vivre entre sa mère et sa femme, la vie respectable du haut bureau. Le gentleman cambrioleur est mort, vive le gentleman farmer. Sauf que si on a un gentleman farmer, on n'a plus d'histoire à raconter. Ça rentre dans la chronique agricole du courrier Cauchois. Courrier Cauchois est une merveille. Vous ne pouvez pas naître, vous ne pouvez pas mourir, vous ne pouvez pas faire un paix à Étretat ou jusqu'à Yvetot sans que le courrier Cauchois y consacre au moins deux colonnes. Hein. Donc on a Raoul, on a Don Luis, et c'est la mobilité, c'est le fait qu'ils renaissent, qu'ils revivent, qu'il y ait une certaine, un côté un peu libertin chez lui qui fait que ce personnage existe. À Rome, les hommes libres, s'ils étaient nés de parents libres, s'appelaient ingénus. S'ils avaient été libérés, on les disait libertins. Beaucoup plus tard, on appela libertins ceux dont on prétendait qu'ils avaient libéré leurs pensées. Bientôt, ce beau titre fut réservé à ceux qui ne connaissaient pas de chaîne dans l'ordre des mœurs. Voilà. Alors, Valmont et Merteuil sont au plein sens. Hein, troisième sens, c'est comme dans le verrou de Fragonard. Ce sont des libertins. Lupin a un certain caractère libertin, mais je dis bien, Lupin est un joueur, mais n'est pas un manipulateur pour détruire. Alors que là, justement, on a des personnages qui sont un peu nietzschéens, prenant les autres pour des seconds couteaux, des Untermenschen, hein, et un peu des esclaves. Et il y a chez eux une véritable perversité telle que Baudelaire la décrit. Une foule d'actions humaines resteront inexpliquées, inexplicables. Ces actions n'ont d'attrait que parce qu'elles sont mauvaises, dangereuses. Elles possèdent l'attirance du gouffre. Cette force primitive, irrésistible, est la perversité naturelle qui fait que l'homme sans cesse est à la fois homicide et suicide, assassin et bourreau. Voilà, c'est-à-dire que finalement, c'est la recherche de cette destruction qui crée une certaine façon le plaisir chez ces libertins tels que Merteuil et Valmont qui correspondent un petit peu au schéma du surhomme, mais il est beaucoup plus difficile d'essayer de discerner chez eux quel peut être réellement leur bonheur et s'il y a un bonheur chez eux. Y a-t-il un bonheur du surhomme? Qu'est-ce qu'un surhomme? L'homme supérieur est celui qui doit établir ses lois, celles de la France ou celles du cœur humain. Voilà, Malraux. Et il y a aussi la surfemme, hein, puisque Merteuil, c'est la pire du paquet. Hein. Et ils sont animés en permanence par un désir. On trouvait chez Montecristo un désir de vengeance. Chez eux, c'est la vengeance et la destruction. Il ne suffit pas de se satisfaire, il faut aller au-delà. Vengeance, action d'infliger à autrui un dommage en compensation symbolique ou imaginaire d'un mal subi à cause de lui. Vous servirez l'amour et la vengeance, ce sera enfin une rouerie. Vous voyez que l'amour ne m'aveugle pas. À 8 heures, je vous rendrai votre liberté. Et perversité et vengeance s'ajoutent à la part d'irrationnel. Et là, on entre dans une espèce de pathologie. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont là des personnages nocturnes, alors que Lupin, à l'opposé, est un personnage finalement diurne, en dépit de toutes ses manœuvres, en dépit... Si vous voulez, on pourrait, par certains moments, attraper Lupin du côté des Châteaux de la Subversion d'Annie Lebrun. Je ne sais pas si ce bouquin dit quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est en folio Gallimard. Hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu sur tout ce qui est le roman gothique, où c'est rempli de souterrains, c'est rempli de trésors, c'est rempli de châteaux en ruine, de portes à double fond, etc. Ce qu'on retrouve, hein, on a une part de cet héritage chez Lupin. Mais en dépit de ça, on est très très loin d'un univers noir, nocturne et désespérant. Alors, un mot quand même des intrigues vénéneuses, parce que avec Valmont, Merteuil et le pauvre Danceny et les pauvres Volanges, on est justement dans un univers où là, leur libertinage, je dirais, est un jeu, mais un jeu destructeur. Lupin peut être un manipulateur, comme Montecristo peut être un manipulateur. Mais l'objectif n'est pas... Alors, chez Montecristo, il y a une vengeance qui est assumée par rapport à des gens qui l'ont mis à mal, si on peut dire. Tandis que là, c'est un jeu, en quelque sorte. C'est presque un jeu intellectuel et d'une perversion intellectuelle que ce jeu qui est celui de la marquise de Merteuil, qui fait rencontrer Volanges à Valmont afin qu'il la déflore, pour ridiculiser son ancien amant Gercourt, qui lui devait l'épouser et qui va être la risée. en disant, on va dire plus tard, quand elle va être enceinte, on va dire plus tard que un aîné, comment dire, un héritier Gercourt n'est jamais qu'un cadet de Valmont, puisque ce sera Valmont qui l'aura mis enceinte. Voilà tout ça. Au total, on a une très très grande différence, mais on a Danceny qui se trouve coincé, si on peut dire, entre son amour, la ingénue, et Madame de Verteuil, vers lesquelles il éprouve une certaine attirance, et on va trouver cette espèce de dualité dans la relation que le jeune Lupin, qui a 20 ans, qui navigue entre l'ingénue Clarisse d'Étigue et la terrible comtesse de Cagliostro, qui, elle, est un remake de, qui est un remake de Verteuil. Voilà. Hein. Cécile de Volanges, donc, est une ingénue libertine, qui est l'archétype de la jeune héritière noble, à qui sa famille impose un époux et qui finalement optera pour le couvent pour couvrir d'un voile pudique le scandale qu'il y avait. Et chez Lupin, on va trouver quelques-unes de ces jeunes héritières, là un petit peu dans les mêmes comportements et tout, comme Angélique de Sarzeau-Vendôme, Raymonde de Saint-Véran, Clarisse d'Étigue. On a tout cet... Vous voyez, on a finalement... On voit bien les héritages auxquels puise Leblanc, mais en même temps sans que son personnage ou sans que ce qu'il raconte y soit réductible. Merteuil est une esthète du crime et Merteuil est quelqu'un qui va annoncer, je dirais, les manœuvres perverses, va annoncer les manœuvres perverses de la comtesse de Cagliostro, qui elle aussi est une espèce de stratège absolument perverse. Mais si vous voulez, là, le personnage le plus noir chez Laclos, c'est bien la marquise, c'est bien Merteuil, parce que même Valmont, qui est aussi un cynique, qui est également un libertin, qui a ce sentiment de supériorité, eh bien malgré tout, il va succomber à son amour, mais en même temps, il va finalement être la victime de Merteuil, puisqu'il va être trucidé par ce pauvre Danceny, duquel ça va traverser l'existence. Alors que Lupin échappe à ce tragique, échappe à cette dimension qui finalement donne une dimension métaphysique aux liaisons dangereuses, alors que là, on n'a pas de dimension métaphysique chez Leblanc, chez Lupin. On est toujours dans une morale immanente, c'est-à-dire une morale de l'instant qui trouve son propre principe. Et on a donc Merteuil et Cagliostro qui, l'une et l'autre, sont des marionnettistes perverses, avec, usant de leur séduction, usant des chantages et d'un immense sentiment de supériorité nietzschéen, et qui tue sans scrupule. Et en plus, Cagliostro y ajoute une aura de sorcière dotée de l'éternelle jeunesse, alors que Merteuil, c'est un petit peu comme dans le portrait de Dorian Gray, hein, il y a un moment donné où sa beauté va s'effriter et tous ses attraits sont perdus. Hein. La présidente de Tourvel, eh bien, elle aussi est un des modèles de Clarisse d'Étigue, d'Angélique de Sarzeau-Vendôme et de Raymond de Saint-Véran. Et puis on a notre brave Valmont qui est le cynique piégé par l'amour. Hein. Alors que ces personnages qui sont animés d'un sentiment d'invulnérabilité, on trouve Lupin qui, lui, alors que Tillinac, par exemple, veut en faire à tout prix un surhomme nietzschéen, de même que Umberto Eco, pour des raisons qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes, là, on a un Lupin qui, lui, peut être très fort, qui peut être très vantard par moments, mais qui, en même temps, est complètement vulnérable. Hein, quand elle est contente de moi, je me sens tout faible alors, et j'ai envie de pleurer, comme il dit à propos de Raymond de Saint-Véran, qui, en plus de ça, va être tué dans ses bras par Herlock Sholmès. Puisqu'il y a des aventures de Lupin face à Sherlock Holmes, qui est devenu Herlock Sholmès, pour des questions de droit d'auteur, hein, pour des questions de... Mais vous savez, d'ailleurs, ils ne sont pas tous très... Moi, je sais que dans les années 90, j'avais voulu produire un jeu avec un éditeur autour d'Arsène Lupin, et que c'était pas très facile avec le consortium d'héritage de pouvoir produire une chose comme ça. Voilà. Hein. Donc, on a, si vous voulez, ça permet, par le portrait chinois, de regarder qui Lupin est, qui est Lupin et qui il n'est pas. Et en tout cas, ce n'est pas un cynique libertin, destructeur, même si lui aussi s'est susurré de jolies choses à l'oreille des belles dévotes. Voilà. Alors, on reparle un peu de d'Angé... Justement, on va reparler un peu des belles dévotes et des d'Angélique, d'Arsène, de Joséphine, de Clarisse et de quelques autres, puisque on va parler du... On parle, disons un mot, du mariage d'Arsène Lupin. Lupin va... Quand il épouse quelqu'un, c'est à la fois parfois parce qu'il va aimer la personne, d'autres fois c'est parce qu'il y a un magot que l'on peut s'approprier. Et néanmoins, au milieu de tout ça, il va rester finalement d'une espèce de d'honnêteté complètement illégale, mais d'une honnêteté absolument foncière, puisque là, il va épouser Angélique de Sarrazeau-Vendôme avec tout un stratagème qu'il va monter, se faisant passer pour un des cousins, etc. Et en même temps, il l'a mise en difficulté, mais elle n'avait pas non plus envie d'aller épouser. C'est un côté un petit peu anarchiste, hein, là, de Maurice Leblanc, qui fait un pied de nez à cette vieille aristocratie. Souvenons-nous qu'à l'époque où est publiée La Comtesse de Cagliostro et beaucoup d'œuvres, là, on est à l'époque du procès Dreyfus et tout, et les monarchistes, bien qu'en France, on soit en République, sont encore extrêmement présents. Je veux dire que l'Église en France ne va se détacher de l'action française que dans les années 1920. Il ne faut pas oublier ça. Je veux dire qu'il y a des tentations qui ont duré jusqu'après Napoléon III de revenir à la monarchie avec le comte de Chambord, avec éventuellement Mac Mahon et autres. Donc on est encore dans une période où... Et donc là, d'où des petits coups d'anarchistes comme ça qui dit « Bon, vous voyez un petit peu quel monde vous vivez avec un siècle de retard, enfin, etc. » Et Lupin apparaît là comme une sorte d'anarchiste de la grâce quelque part. Voilà. Il y a là des traquenards, il y a là de l'humiliation, mais ceux qui sont humiliés, ceux qui sont punis, ce sont les arrogants et ce ne sont pas les personnes, comment on peut dire, plus vulnérables. Et là, on va retrouver enfin la fameuse comtesse de Cagliostro. Alors, ça pour moi, c'est un des romans majeurs, parce que là, on a deux caractères un peu forts et un peu épouvantables. Il y a à la fois Beaumagnan qui est un noble et un ancien jésuite qui voudrait zigouiller avec toute une bande d'autres aristocrates cette Cagliostro dont on ne sait si elle a 30 ans ou si elle en a une centaine. Hein. Et je dirais que là, on est pour le jeune Lupin face à cette Cagliostro qui, elle, est un peu comme Merteuil, une vieille routière de la perversion, de la manipulation. Et lui, c'est un roman finalement d'apprentissage de ce. C'est. On attend, si quelqu'un d'entre vous en a l'ambition, on attend le volume suivant Les Liaisons Dangereuses et qui raconteront les aventures du jeune Danceny. Parce que dans le fond, Danceny et le jeune Lupin sont extrêmement proches, sauf que Lupin, lui, va mieux s'en sortir puisque c'est un personnage qui est davantage diurne. Mais là. Si vous voulez, Lupin est pris dans la comtesse Cagliostro entre son amour pour Clarisse d'Étigue, que son père ne veut pas lui accorder, parce que Lupin en fait s'appelle Lupin, il est le fils d'un boxeur, il n'est pas le fils d'un aristocrate, et sa mère était une aristocrate déchue. Et puis en même temps, ben, il y a l'attrait absolument sulfureux de cette marquise de Merteuil qui est la comtesse de Cagliostro. Et puis on est tous là, on est dans le début, on est dans des choses qui vont ensemble. Si vous voulez, si Dumas fait courir l'aventure de Monte Cristo sur un seul roman, là avec Leblanc, on a finalement quelque chose d'analogue, mais qui va courir sur la durée d'une œuvre. Si vous prenez aujourd'hui à la télé, une série extrêmement intéressante s'appelle House of Cards. House of Cards, c'est le monde politique américain, avec un type qui va devenir président parce que, simplement, il réussit à évincer ou à zigouiller ceux qui précèdent. On est là sur une espèce on est sur une trajectoire qui est du même ordre que de cette trajectoire de Lupin, de Monte Cristo. On est aujourd'hui, le grand roman feuilleton se joue sur des... là, on en est à 50 et quelques épisodes de House of Cards. On n'a pas fini parce qu'on a envie d'en savoir plus, quoi. On est sur le même type de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la télé qui est devenue le support du feuilleton, alors que du temps de Leblanc ou du temps de Dumas, c'était ce qu'on appelait le rez-de-chaussée des journaux, c'est-à-dire le bas de la première page. Mmh. Et là, on en est là. Et donc ça, c'est la première aventure de Lupin qui est... Et alors là, le personnage de la comtesse, c'est pour ça qu'il est extrêmement travaillé, parce qu'elle est belle, la comtesse. Le visage était admirablement beau, formé par des lignes très pures et animé d'une expression qui, même dans l'impassibilité, même dans la peur, semblait un sourire. Avec un menton plutôt mince, ses pommettes légèrement saillantes, ses yeux très fendus et ses paupières lourdes, elle rappelait ces femmes de Vinci ou plutôt de Bernardine O'Loughlin, dont toute la grâce est dans un sourire qu'on ne voit pas, mais qu'on devine, et qui vous émeut et vous inquiète à la fois. C'est une magicienne. Elle a 106 ans, en paraît 30, et doit parfois se livrer à quelques exercices de rajeunissement. Ayant pris le miroir, elle y contempla longuement son visage fatigué et vieilli, puis elle y versa quelques gouttes d'une mince fiole et frotta la surface mouillée avec un chiffon de soie. Et de nouveau, elle se regarda. Elle sait tout. Elle a tout vécu. Tu t'appelles Arsène Lupin. Ton père, Théophraste Lupin, qui cumulait le métier de professeur, de boxe et de savate avec la profession plus lucrative d'escroc, fut condamné et emprisonné aux États-Unis où il mourut. Ta mère reprit son nom de jeune fille et vécut en parente pauvre chez un cousin éloigné, le duc de Dreux, Soubise. Un jour, la duchesse constata la disparition d'un joyau de la plus grande valeur historique qui n'était autre que le fameux collier de la reine Marie-Antoinette. Malgré toutes les recherches, on ne sut jamais qui était l'auteur de ce vol, exécuté avec une hardiesse et une habileté diabolique. Moi, je le sais, c'était toi. Tu avais 6 ans. Vénéneuse, cette femme. Sous tous les masques, il cherchait la Cagliostro, et il cherchait son fils Jean. Il ne retrouva pas son fils, il ne revit jamais Joséphine Balsamo. Vivait-elle encore? Osait-elle se risquer en France? Continuait-elle à persécuter et à tuer? Devait-il admettre, en ce qui le concernait, que la menace éternellement dirigée contre lui, depuis la minute même de la rupture, aboutirait à quelque vengeance plus cruelle que l'enlèvement de son enfant? Alors, il faut avoir en tête que les lupinistes, les lupiniens et autres... s'ingénie à créer des chronologies de la vie d'Arsène Lupin. Et dans les, comment dire, dans les deux éditions complètes qui sont en omnibus, on a comme ça des chronologies de la vie d'Arsène Lupin que l'on fait naître dans les années 1850. En gros, il a une vie qui est à peu près sur la durée de la vie de Maurice Leblanc. Mais je veux dire que, si vous voulez, on a toutes ces histoires-là qui est le départ dans la vie. Et c'est ce qui a permis à d'autres auteurs, type Boileau-Narcejac, Goethe et autres, de lui inventer d'autres aventures. Mais on est vraiment dans un domaine de la pathologie avec cette Cagliostro. Elle ne peut pas se confier, pensa-t-il. Elle est de ces êtres qui vivent à part, dans une solitude sans fin. Elle est captive de la sorte d'image qu'elle veut donner d'elle-même, captive de l'énigme qu'elle a élaborée et qui la tient dans ses mailles invisibles. Comme fille de Cagliostro, elle s'est habituée aux ténèbres, aux complications, aux trames, aux intrigues, aux travaux souterrains. Raconter à quelqu'un l'une de ses machinations, c'est lui donner le fil qui le guiderait dans le labyrinthe. Et elle a peur et elle se replie sur elle-même. Et on va la retrouver à travers toute l'œuvre de... comment elle réintervient plusieurs fois dans l'œuvre de Leblanc. Il y a le fait qu'elle enlève le fils de Leblanc, le fils de Lupin, excusez le lapsus. Elle va essayer de retourner le fils contre le père. Enfin, on a plusieurs choses comme ça. Alors, Beaumagnan, mais je m'arrêterai pas sur Beaumagnan. Simplement, Raoul se pencha sur Beaumagnan et c'est là où on a toute l'intensité de cet horrible bonhomme. Je vous jure que je la retrouverai. Je vous jure que je lui reprendrai les richesses. La haine et l'amour persistaient au cœur du moribond. Seules de telles paroles pouvaient prolonger son existence de quelques minutes. À l'heure de l'agonie, dans l'effondrement de tous ses rêves, il se rattachait désespérément à tout ce qui était représailles et vengeance. Voilà. Alors, Beaumagnan est un des personnages qui est à la fois allié et opposé. C'est-à-dire qu'il veut tuer cette fameuse comtesse de Cagliostro. Il est un des amis du père de Clarisse d'Étigue que Lupin veut épouser. Mais je veux dire qu'il a, en même temps, lui, amour-haine, il est complètement possédé. Et on est là dans un schéma qui n'est pas très très loin de, justement, des liaisons dangereuses. Alors, qui est Raoul Lupin d'Andrézy? Parce que Raoul, il prend toutes sortes de prénoms, Arsène. Il est enfantin, il est doucement vantard, il est optimiste, il est anarchique. C'est un goguenard non cynique, séduisant et torturé, un peu mégalomane, et qui balance entre aristocratie et plèbe. Il a des talents d'escamoteur. Et c'est un, je dirais que c'est un, il a de la répulsion à tuer, Lupin ne tue pas, Et il y a un côté, c'est aussi un héritier quelque part de Robin des Bois et de Zorro, quoi. Hein, c'est, on a ce côté redresseur de tort. On n'est pas dans la légalité, on est dans la légalité, mais en revanche, on est profondément moral. Et je dirais que cette nuance entre légalité et moralité, je dirais que c'est une chose qui est à réfléchir et à méditer chaque jour, surtout dans les périodes électorales. Hein? Donc, Lupin, c'est un séducteur anarcho-patriote à succès variable. Hein? Et si vous voulez, quand on le prend au début, là, face à Cagliostro, c'est un débutant. Et en 6 mois, son destin va se construire. En janvier, il rencontre Clarisse Zetig, il en est amoureux. En mars, il demande sa main. Le père refuse. En avril, il sauve la Cagliostro. Elle lui livre ses secrets qui vont aussi animer un certain nombre des autres romans. Et en août, eh bien, il peut se fiancer après avoir vaincu Joséphine Balsamo Cagliostro. C'est un amoureux transi, mais relativement inconstant. Hein? Toute ma vie n'est qu'amour pour toi, ma bien-aimée. Si j'ai d'autres soucis et d'autres ambitions, c'est pour faire ta conquête, Clarisse. Suppose ceci. Ton père, conspirateur, est arrêté et condamné à mort, et tout à coup, moi, je le sauve. Après cela, comment ne me donnerait-il pas la main de sa fille? Je n'ai rien à te pardonner, mon chéri, je suis heureuse. Tu me feras beaucoup souffrir, j'en suis sûre, et j'accepte d'avance et avec joie toutes ces douleurs qui me viendront de toi. Bernadette Chirac aurait pu en dire la même chose au début. Vie affreuse dont vous souffrez. Si tu le crois, pourquoi veux-tu la partager? Parce que je vous aime. Raison de plus pour me fuir, mon petit. Tout amour est condamné d'avance entre nous. Tu rougirais de moi, je me défierais de toi. Mais je vous aime. Alors, dernier volet... Et Lupin, vous voyez, Lupin, je dis, c'est. Alors, je ne suis pas en train de faire sa campagne électorale, mais après tout, s'il fallait, je ferais bien sa campagne électorale, parce qu'il est, plutôt sympathique, hein, quand même. Et puis, il a le sens de l'État. Lupin, gentleman cambrioleur, c'est. Je dirais qu'il est la source et le garant d'une morale qui n'est pas une métaphysique, mais qui est une morale plutôt universelle. Hein. C'est ce que dit. Comte Sponville, comment concilier dans un même individu la moralité la plus intransigeante avec l'illégalité la plus manifeste. Donc, Lupin est un gentleman rationaliste. Hein. Drôle d'aventure que ce naufrage, n'est-ce pas? Mais aucun miracle comme tu pourrais le croire, et aucun hasard non plus. Pour ta gouverne, tu sauras que je ne compte jamais sur un miracle ni sur le hasard. On n'a pas de métaphysique, et Lupin n'est ni un surhomme, et il n'est pas Dieu non plus. Hein. Et alors, il y a un point qui est assez intéressant, c'est de confronter à nouveau Lupin, ça c'est pour le schéma de la morale, c'est de le confronter avec la question de Gigès et de l'anneau de Gigès, qui est un récit qui nous vient de Platon. Il était en effet berger au service du roi de Lydie d'alors. Or, au cours d'un violent orage accompagné d'un séisme, la terre se fendit en quelque sorte et une ouverture béante apparut près de l'endroit où il faisait paître ses troupeaux. Voyant cela et s'émerveillant, il descendit et la fable raconte qu'il vit alors, parmi bien d'autres merveilles, un cheval d'airain, creux, avec des ouvertures, à travers lesquelles, en se penchant, il vit qu'il y avait à l'intérieur un cadavre qui paraissait plus grand que celui d'un homme et qui ne portait rien d'autre qu'à la main un anneau d'or qu'il retira en sortant. Lorsqu'il arriva le jour de l'assemblée habituelle des bergers, en vue d'aller faire au roi le rapport mensuel sur l'état des troupeaux, il y vint aussi portant cet anneau. Lors donc qu'il était assis au milieu des autres, il lui arriva par hasard de tourner le chaton de la bague vers lui à l'intérieur de sa main, ce qu'ayant fait, il devint invisible à ceux qui étaient assis avec lui et il parlait de lui comme s'il était parti. Et lui, de s'émerveiller et manipulant à nouveau à tâtons l'anneau, il tourna le chaton vers l'extérieur et en le tournant redevint visible. Réfléchissant à tout cela, il refit l'expérience en arriva à la conclusion qu'en tournant le chaton vers l'intérieur, il devenait invisible, vers l'extérieur, visible. Ayant perçu cela, il fit aussitôt en sorte de devenir l'un des messagers auprès du roi et sitôt arrivé, ayant séduit sa femme, il s'appliqua avec elle à tuer le roi et prit ainsi le pouvoir. Voilà, alors, Gigès, c'est la morale du pas vu, pas pris. Je suis invisible, je me permets tout, tant que je... Et une véritable morale, comme le note Comte Sponville, ne résiste pas à l'invisibilité. Là où il n'y a pas d'intention pure, Il n'y a pas de morale, mais une loi, un devoir, un garde-fou social. C'est exigeant, en fait. C'est bien plus exigeant que la morale quotidienne qui est balisée par les lois, par ceci, par cela, que ce soit pour tout un chacun ou pour les gens à responsabilité, alors que là, dans le fond, on est sur une morale beaucoup plus exigeante et presque calviniste par certains côtés, puisque on doit l'avoir pour soi. Et elle est dans son principe elle-même et dans la vertu n'est pas une vertu dictée par un ciel, mais une vertu qui doit être dictée par, je dirais, l'exigence que l'on a et le respect que l'on a vis-à-vis de soi. Et vous voyez, donc, le Gigès, lui, est en revanche cette « je suis invisible, donc je peux tout me permettre ». Alors que Lupin, pour lui, il accomplit un devoir. Lupin est moral par vertu, et pas même se montrant athée. C'est pas par crainte des foudres du ciel ou amour du grand architecte qu'il est moral, mais simplement par devoir, parce qu'il est, moral par vertu. Hein, et là, vous voyez, cette distinction est assez intéressante dans le bouquin de Comte Sponville, là où la plupart des gens sont légaux sans être moraux, Lupin est, lui, moral sans être légal. Arsène Lupin, et en même temps, c'est le véritable homme invisible, parce qu'il a la faculté de disparaître. Hein, et... Donc, si vous voulez, évoquer Gigès n'a rien d'une spéculation interprétative, puisque Lupin, il sera question de Gigès, justement, dans le bouchon de cristal. Dans ce monde d'esclaves où chacun porte son étiquette, toi, tu peux ou bien aller et venir inconnu, invisible, comme si tu possédais l'anneau de Gigès, ou bien choisir ton étiquette, celle qui te plaît. Comprends-tu le trésor magnifique que tu représentes pour un artiste, pour toi, si tu le veux? Une vie vierge, toute neuve, ta vie, c'est de la cire que tu as le droit de modeler à ta guise, selon les fantaisies de ton imagination ou les conseils de ta raison. Oui, on est là sur le libre arbitre, quoi, en quelque sorte. Hein. Et la morale de Lupin est une morale, en somme, librement consentie et d'autant plus exigeante, puisque la peur, la prudence, l'hypocrisie n'existe plus pour lui, il peut tout faire, même le pire, sans jamais être pris, et en somme, du coup, c'est de lui seul nous pouvons être sûrs que s'il fait le bien ou s'il s'interdit de faire le mal, ce n'est pas par hypocrisie ou par calcul, mais simplement par vertu. On va sortir d'ici avec l'image d'Arsène Lupin, parangon de vertu. C'était pas gagné en entrant. Hein. C'était pas gagné en entrant. Alors, à celui-là, pour récapituler un peu les choses, Lupin nous a accordé une interview. Alors, Monsieur Lupin, qu'est-ce qu'il faut penser dans ce contexte de Madame Merteuil, Monsieur Valmont et Madame Cagliostro ? Vous avez parfaitement raison de leur ôter la particule, car ces gens-là n'ont rien de noble, hormis les rentes et les châteaux. En plus, ils gaspillent leur vie et surtout celle des autres à calculer le quotient de bonheur qu'ils obtiendraient si leur plan machiavélique et souvent nauséabond était couronné de succès. Ce sont des meurtriers, et passez-moi l'expression, des peines à jouir, accrochés à la maximalisation de leurs plaisirs, de bénéfices ou de gains idéaux qui ne les satisferont jamais. Dans le fond, je préfère les experts comptables. Oui, alors, en somme, on vous assimile parfois, M. Lupin, à un surhomme. Alors là, Lupin, ça le fait éclater de rire, parce qu'il se fait une petite moustache avec le bout du doigt et tente Bon. Trêve de plaisanterie, Comte Sponville a répondu pour moi à la question. Attendez que je retrouve le passage. Ah, voilà, page 58. Lupin est un surhomme vertueux. Oui, vertueux et français, comme il le rappelle à l'empereur d'Allemagne, et cela fait deux bonnes raisons de ne pas être nietzschéen. À l'opposé de la superbe brute blonde ou des monstres triomphantes inventés par Nietzsche, Lupin, lui, plein de douceur et de compassion, ne supporte ni le meurtre, ni la violence gratuite. La Cagliostro, bonne nietzschéenne, c'est celle-là, et hystérique comme ils sont tous, la prendra à ses dépens, qui perdra Lupin pour s'être montré cruel. Vous voyez donc le distinguo, Lupin n'est pas un personnage nietzschéen, mais alors, et c'est aussi la volonté qui fait le surhomme. J'ai été curé, inspecteur, colonel en retraite, joli cœur. On ne m'avait pas dit qu'un jour je ferais aussi prof de philo et que j'expliquerais mes propres conceptions de la vie. Je ne nie pas que mon appétit de vie ne traduise les postures d'un être volontaire, mais ceux qui rêvent de moi en soldat nostalgique de cause perdue comme Tillinac, par exemple, ont mal lu les pages où mon vénéré historiographe, Maurice Leblanc, a pourtant détaillé mon parcours à leur intention. Mais vous êtes un patriote. Je suis patriote, parfois cocardier, mais pas revanchard ou vengeur. J'admire l'énergie de Monte Cristo, mais je commence à l'aimer au moment où il s'aperçoit que sa croisade est vaine. Tout ça pour ça, un champ de ruines, un massacre, sa solitude, son amertume, rien de tout cela ne lui aura jamais rendu le sourire de Mercedes, Ostro Holmes m'ont volé mes amours, mais la vie a prévalu. Alors, vous vous voyez en homme de raison comme l'écrit Comte Sponville. Ah, c'est bien. J'ai mes emballements, mais ils m'expriment mieux que je ne saurais le faire. Écoutez cela, page 60. La volonté n'est vertueuse ou lupinienne, les deux mots sont ici synonymes, qu'autant qu'elle se soumet à la raison. Alors, en somme, là, un autre héritage où l'on pourra situer notre cher Lupin, c'est celui de Montaigne. L'âme qui loge la philosophie doit, par sa santé, rendre sain encore le corps. Elle doit faire luire jusqu'au dehors son repos et son aise, doit former à son moule le port extérieur et l'armer par conséquent d'une gracieuse fierté, d'un maintien actif et allègre et d'une contenance contente et débonnaire. La plus expresse marque de la sagesse est une jouissance constante. Son état est comme des choses au-dessus de la lune, toujours serein. Voilà, on est là aussi dans une sorte de, je dirais un peu d'épicurisme en quelque sorte. Hein. La vertu joyeuse, c'est mieux que la vertu triste. La source affective de la morale lupinienne, par quoi celle-ci reste humaine, la pitié et l'amusement. Là où Kant croyait que le devoir pour être moral ne devait comporter rien d'agréable ni de séduisant, Arsène Lupin prouve au contraire que la vertu, comme disait déjà Montaigne, est qualité plaisante et gaie. Lupin renoue avec la fierté vertu grecque comme Aristote. Il pense que la vertu, pour être vertueuse, doit être agréable ou en tout cas ne pas être pénible. Celui qui donne sans plaisir n'est pas généreux. C'est un avare qui se force. Celui qui se bat sans joie n'est pas courageux. C'est un lâche qui se contraint. Arsène Lupin, lui, ne se forme jamais, ne se contraint jamais et n'en a pas besoin. Il fait le bien par plaisir. La sagesse lupinienne est une éthique du bonheur. C'est Dr. Feelgood, Arsène Lupin. Hein? C'est même un poète épicurien, finalement, parce que on est presque dans une définition que ne renierait pas Montaigne quand on le voit exprimer son bonheur dans La Demoiselle aux yeux verts. C'était l'épanouissement d'un bonheur tranquille, grave, inconscient, à l'abri du passé et même de l'avenir. « Tu es heureuse, demoiselle aux yeux verts, » disait-il. « Le bonheur est un état d'âme qui permet de vivre dans le présent. Tandis que la peine se nourrit de souvenirs mauvais et d'espoirs dont elle n'est pas dupe, le bonheur se mêle à tous les petits faits de la vie quotidienne et la transforme en éléments de joie et de sérénité. Or, tu es heureuse, Aurélie, quand tu cueilles des fleurs ou quand tu t'étends sur ta chaise longue, tu fais cela avec un air de contentement. » Alors, épilogue. Hein. Lupin, j'irai un premier épilogue que j'emprunte faute de pouvoir le voler. Lupin réconcilie le sage et le héros sans foi ni loi, mais non sans vertu. Il est le maître héroïque et drôle dont nous avons besoin. Ah, on a les maîtres qu'on mérite en ces temps où les bourgeois règnent. Qui mieux qu'un voleur pour nous guider ? Je dois dire que le texte là de commande... Ça n'a pas été écrit ces jours-ci. Hein. C'est un texte qui a 20 ans. Hein. Je veux dire, Comte Sponville a écrit ça dans les années 90. Hein. Donc, si vous voulez, aucune allusion à quoi que ce soit. Hein. Voilà. Et deuxième épilogue que dicte maintenant à gérer un passage énigmatique de l'aiguille creuse. Parce qu'on a finalement... Alors, Lupin n'est pas un maître de vertu, sinon de vertu joyeuse. Mais dans le fond, n'est-ce pas la vertu joyeuse qui a le plus... de possibilités d'être mises en pratique, parce que là il y a moins à se forcer, sauf à se forcer à être justement juste, vertueux et plutôt moral que légal, hein. Et donc voilà ce que disait Leblanc, mais ça pose question. Non, sûrement Lupin n'avait pas en face de cet adolescent frêle, alors il s'agit d'Isidore Beautrelet qui est le jeune reporter dans l'aiguille creuse, jeune adolescent frêle, un élève et un élève journaliste aux joues roses de jeune fille, aux yeux candides et charmants. Non, Lupin, face à lui, n'avait pas son assurance ordinaire. Et plusieurs fois, j'observais en lui des traces de gêne. Il hésitait, n'attaquait pas franchement, perdait du temps en phrases doucereuses et en mièvrerie. Alors, question que s'est même posée, est-ce que Beautrelet n'aurait pas été un fils caché d'Arsène Lupin ? Voilà, en plus d'être son élève. Mais donc, si je reviens à ça, et le côté un peu mystérieux de cette relation qui est finalement assez fraîche, c'est pas Valmont qui va corrompre Danceny, c'est pas Valmont qui va manipuler Danceny. Et là, face à ce jeune homme intelligent, etc., Lupin, ben, finalement, se sent un peu gauche, mais avec cette gaucherie qui est celle justement de la vertu. Mais tout là ne s'explique pas. Pourquoi tout ne s'explique pas ? Parce que ni Leblanc ni Beautrelet n'ont tout dit. Car l'aiguille n'a rien perdu de son charme, ni le clos Lupin de son mystère. Et là, je dirais merci de votre attention. Merci beaucoup. On m'avait demandé de ne pas dépasser 1h15. J'ai fait 1h09 et 22 secondes. Merci. Ce qui fait quelques minutes encore pour vos questions éventuelles. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui. D'abord, merci beaucoup. Hein, c'était vraiment très, très intéressant. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'Arsène Lupin pouvait représenter soit une nostalgie d'aristocrate, soit un côté anarchiste, donc vraiment deux choses très opposées. Moi, j'avais une question sur est-ce qu'on a une idée des opinions politiques qui étaient celles de Maurice Leblanc ? Est-ce qu'on sait s'il était justement plutôt monarchiste traditionnel ou plutôt de gauche ? Et est-ce que le personnage qu'il a créé, c'était pour lui sorte de message politique un peu caché Moi, je dirais que c'était... Il y a quelques années, Jean-François Kahn disait qu'il était un anarcho-centriste. Anarcho-centriste. Alors, l'expression est assez amusante. Il y a un peu de ça chez Leblanc. C'est-à-dire que c'est un anarchiste patriotard. C'est ça qu'on pourrait dire. En revanche, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un laïc. C'est un laïc et en même temps c'est un libertin. Donc c'est un. Est-ce que c'est un anarchiste de gauche par certains côtés ? Est-ce que c'est un anarchiste de droite par d'autres côtés ? Et au total, c'est un libertin qui aime bien la vie, qui aime bien les femmes, qui. Mais. Alors, qui a un message caché ? C'est un message. Il n'y a pas un message caché. Il y a un message qui est assez évident, qui est malgré tout, qui reste un message de l'époque, quoi. Hein. Qui est un message patriote, qui est un message colonialiste. On va en trouver la trace notamment dans Le Bouchon de Cristal et un certain nombre d'autres œuvres aussi. Mais il met en œuvre quelqu'un qui est un héros transgressif et qui est finalement à travers, comment on peut dire, le filigrane que l'on peut... Quand on l'attrape et quand on le confronte, on voit quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on avait pu imaginer au départ. Merci. Merci beaucoup. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, j'ai apporté quelques exemplaires d'un petit bouquin que j'avais fait sur Lupin il y a déjà quelques années, qui est une Normandie d'Arsène Lupin, et qui, alors, qu'on ne trouve plus dans le commerce, et qui est en vente au prix absolument exceptionnel de 5 euros. Lupin. Donc, s'il y en a d'intéressés, eh bien, voilà. C'est-à-dire que, si vous voulez, beaucoup des aventures de Lupin se déroulent en Normandie. Et là, je me suis amusé, je me suis amusé à reprendre... En 97. 97, je vous dis. Et je m'étais amusé à reprendre toutes les œuvres et à récupérer une espèce de géographie. Parce que même quand on dit toute la Normandie, oui, il y en a dans la Manche, il y en a dans l'Orne, mais l'essentiel, c'est quand même bien dans la Seine-Maritime, entre Rouen, où Leblanc est né, et Étretat, où il avait sa maison de vacances. Et en plus, il faisait beaucoup de vélo, si bien qu'il y a même des traces sur les routes aussi de Bretagne, entre Alençon et Saint-Malo. Il y a d'autres bouquins, enfin, je pourrais citer d'autres bouquins de Leblanc, mais Leblanc était un grand amateur de bicyclette. Voilà.